Si l'enseignement primaire avait poursuivi son cours au XVIIIe siècle, nous ne saurions en dire autant de l'instruction donnée aux femmes du monde. Quelque restreintes que fussent au XVIIe siècle les connaissances que possédaient les disciples de Fénelon et de Madame de Maintenon, la sûreté et la délicatesse de leur jugement pouvaient, nous l'avons rappelé, suppléer en elles à l'étendue de l'instruction. Mais ce fond solide, si rare même alors, manqua de plus en plus. La frivolité seule domine au XVIIIe siècle. À cette époque, la femme a la pire des ignorances, celle qui veut décider de tout, en philosophie, en politique, en religion. Telle grande dame, qui n'a lu jusqu'alors que dans ses heures, se trouve en une seule leçon une philosophe sans le savoir. Les femmes les plus frivoles se passionnent pour la science. Vers 1872, c'est une mode. On a dans son cabinet un dictionnaire d'histoire naturelle, des traités de physique et de chimie. Une femme ne se fait plus peindre en déesse sur un nuage, mais dans un laboratoire, assise parmi des équerres et des télescopes. Les femmes du monde assistent aux expériences scientifiques. Elles suivent des cours de sciences physiques et naturelles. En 1786, elles obtiennent la permission d'assister au cours du Collège de France. À une séance publique de l'Académie des inscriptions, elles applaudissent des dissertations sur le bœuf à pisse, sur le rapport des langues égyptiennes, phéniciennes et grecques. Rien ne les rebute. Plusieurs manient la lancette et même le scalpel. La marquise de Voyer voit disséquer et la jeune comtesse de Coigny dissèque de ses propres mains. Il y avait là certainement quelques tendances louables. Nous ne pouvons, par exemple, qu'applaudir à la décision qui permit aux femmes de suivre les cours du Collège de France. Mais dans toutes les démonstrations que provoqua chez la femme l'engouement de la science, il y a quelque chose qui sent la parvenue. Elle exhibe ses richesses avec un étalage qui en rappelle la date trop fraîche. En dépit de Molière et de Boileau, la pédante a survécu, et avec la pédante, le préjugé contre une sage instruction des filles. Dans l'épître dédicatoire d'Alzire, adressée à Madame du Châtelet, Voltaire, ayant alloué l'instruction de cette femme malheureusement plus savante que vertueuse, citait des exemples contemporains qui lui faisaient croire que son siècle ne partageait plus les préjugés que Molière et Boileau avaient répandus contre l'instruction des femmes. Mais Voltaire flattait son siècle, et à part quelques exceptions, la jeune fille du XVIIIe siècle était élevée en poupée mondaine. Une fillette de 6 ans est serrée dans un corps de baleine. Son vaste panier soutient une robe couverte de guirlandes. Elle porte sur la tête un savant échafaudage de faux cheveux, de coussins et de nœuds, rattachés par des épingles, couronnés par des plumes, et tellement haut que souvent le menton est à mi-chemin des pieds. Parfois on lui met du rouge. C'est une dame en miniature. Elle le sait, elle est tout à son rôle, sans effort ni gêne, à force d'habitude. L'enseignement unique et perpétuel est celui du maintien. Un écrivain du XVIIIe siècle, Mercier, nous dira « le maître de danse » dans l'éducation d'une jeune demoiselle a le pas sur le maître à lire et sur celui-même qui doit lui inspirer la crainte de Dieu et l'amour de ses devoirs futurs. Les quelques notions de catéchisme que la jeune fille perdait bientôt d'ailleurs dans le courant philosophique du siècle n'occupaient en effet qu'un rôle bien secondaire. Je ne dirais pas dans l'éducation, ce serait profaner ce mot, mais dans le dressage de la jeune fille. Tout y était sacrifié à l'enseignement du maintien. Lorsque, par une mesure d'économie, le cardinal de Fleury décide Louis XV à faire élever ses filles à l'abbaye de Fontevraud, où trop souvent gâtées en filles de roi, elles n'ont guère d'autres règles que celles de leur fantaisie, l'une des princesses, Madame Louise de France, ne connaît pas encore à 12 ans toutes les lettres de son alphabet. Un seul professeur d'art d'agrément a suivi ses royales élèves à Fontevraud. C'est encore le maître à danser. 8 jours avant son mariage, la future duchesse de Doudoville, mademoiselle de Montmirail, âgée de 15 ans, est mise dans un coin de la salle à manger, avec une robe de pénitence, pour avoir mal fait sa révérence à son entrée dans le salon d'une mère aussi sévère que fantasque. Mais empruntons encore à Mercier quelques traits relatifs à cette éducation qui, dès la plus tendre enfance, imprègne, pour ainsi dire, l'âme des femmes de vanité et de légèreté. Pour la petite fille, la marchande de mode et la couturière sont des êtres dont elle évalue l'importance, avant d'entendre parler de l'existence du laboureur qui la nourrit et du tisserand qui l'habille. Avant d'apprendre qu'il aura des objets qu'elle devra respecter, elle sait qu'il ne s'agit que d'être jolie et que tout le monde l'encensera. On lui parle de beauté avant de l'entretenir de sagesse. L'art de plaire et la première leçon de coquetterie sont inspirés avant l'idée de pudeur et de décence, dont un jour elle aura bien de la peine à appliquer le vernis factice sur cette première couche d'illusion. Qu'on daigne regarder avec réflexion ces marionnettes que l'on voit dans nos promenades, préludées aux sottises et aux erreurs du reste de leur vie. Le petit monsieur en habit de tissu et la petite demoiselle, coiffée sur le modèle des grandes dames, copiant sous les auspices d'une bonne imbécile les originaux de ce qu'ils seront un jour. Toutes les grimaces et toutes les affectations du petit maître sont rassemblées chez le petit monsieur. Il est applaudi, caressé, admiré en proportion des contorsions qu'il saisit. La petite demoiselle reçoit un compliment à chaque minauderie dont son petit individu s'avise. Et si son adresse prématurée lui donne quelque ascendant sur le petit mari, on en augure, avec un étonnement stupide, le rôle intéressant qu'elle jouera dans la société. La petite fille grandit dans l'ennui et l'oisiveté, sous ce toit paternel qui souvent n'abrite pour elle ni caresse ni sourire. Le matin, quand la mère est à sa toilette, la petite fille vient cérémonieusement lui baiser la main. Elle voit encore ses parents aux heures des repas. La mère aime-t-elle sa fille, ou du moins croit-elle l'aimer, la garde-t-elle dans sa chambre? Cette chambre est, comme au XVIIe siècle, une prison, où l'enfant, privé de tout mouvement, est tour à tour encensé ou grondé. Toujours ou relâchement dangereux, ou sévérité mal entendue, jamais rien selon la raison. Voilà comment on ruine le corps et le cœur de la jeunesse. Devant cette jeune fille condamnée au rôle d'automate, Rousseau, l'ennemi des couvents, se prend à regretter ses maisons, où l'enfant peut se livrer à ses joyeux ébats, sauter et courir. Rousseau parlait ainsi dans le livre par lequel il crut pouvoir réformer l'éducation, aussi bien celle des femmes que celle des hommes. Au milieu de ces folles utopies, Rousseau établit néanmoins dans l'Émile un principe que feraient bien de méditer les émancipateurs actuels de la femme. C'est qu'il faut élever chaque sexe selon sa nature, et ne pas faire de la femme un homme, pas même un honnête homme. Il faut simplement en faire une honnête femme. Elles n'ont point de collège, s'écrie-t-il, grand malheur, et plût à Dieu qu'il n'y en eût point pour les garçons. Je n'achève la phrase de Rousseau que pour compléter la citation, mais non pour la prouver jusqu'au bout. Il est certain que la vie de collège est aussi nécessaire à l'homme pour le préparer à la vie publique, qu'elle serait funeste à la femme, qui est destinée à l'existence du foyer. Rousseau dit que l'éducation doit préparer une femme qui comprenne son mari, une mère qui sache élever ses enfants. Ce sont là de sages préceptes que nous trouvions dans les siècles précédents, mais que le fou jugement de Rousseau applique fort mal, comme d'habitude. C'est que, au lieu de reconnaître l'existence du péché originel, le philosophe admet la bonté absolue de la nature humaine. Tous les instincts de cette nature sont bons. Il n'a qu'à les développer. La ruse est l'instinct naturel de la femme. C'est cette ruse qu'il faut laisser croître. La grande science de la femme sera d'étudier le cœur de l'homme, pour chercher adroitement à plaire. Cette étude est la seule que Rousseau encourage chez la jeune fille. Il lui permet d'ailleurs d'apprendre sans maître tout ce qu'elle voudra, pourvu que ses connaissances se bornent à des arts d'agrément qui la rendront plus capable de plaire à son mari. C'est en vain que Rousseau a prêché la réforme de l'éducation. Ces belles théories n'aboutissent qu'à l'éducation du XVIIIe siècle, l'art de plaire. Aucune réforme sérieuse n'était possible avec le système d'un philosophe qui enlevait à l'éducation de la femme, comme à celle de l'homme, la seule base solide, l'éducation religieuse. Rousseau, qui trouvait qu'il n'est peut-être pas tant encore qu'à 18 ans, l'homme apprenne qu'il a une âme, Rousseau permet cependant que l'on instruise plutôt la femme des vérités religieuses. Il est vrai que c'est pour un motif assez irrespectueux pour l'intelligence féminine. Jean-Jacques trouve que si, pour apprendre les vérités religieuses à la femme, on attend qu'elle puisse les comprendre, elle ne les saura jamais. Peu importe donc que ce soit plus tôt ou plus tard. La religion de Rousseau, cette religion dont le vicaire savoyard est l'éloquent apôtre, est fort élastique. C'est la religion naturelle. Il est vrai qu'au temps où nous vivons, il faut savoir gré à Jean-Jacques de n'avoir biffé ni l'existence de Dieu, ni l'immortalité de l'âme. Impuissante, heureusement, à passer dans la vie réelle, les rêveries éducatrices de Rousseau rappellent cependant aux mères qu'elles ont des filles. Elles ont maintenant le goût de la sensiblerie maternelle. Mais incapables de comprendre que cet enfant représente pour elles un devoir, la mère ne voit en elle qu'un plaisir. On initie la petite fille aux grâces du parler élégant. On fait de cet enfant, qui est déjà si bien préparé, une petite comédienne de salon. Elle reçoit pour maître des acteurs célèbres. Elle joue dans les proverbes, dans les comédies, dans les tragédies. Rousseau n'avait sans doute pas prévu tous ces résultats, mais n'en avait-il pas préconisé le principe, l'art de plaire? Une disciple de Rousseau, Mademoiselle Philippon, la future Madame Roland, parut donner un fondement plus solide à l'éducation des femmes quand elle écrivit un discours sur cette question proposée par l'Académie de Besançon. Comment l'éducation des femmes pourrait contribuer à rendre les hommes meilleurs? Suivant la méthode de Rousseau, la jeune philosophe juge que pour répondre à cette question, il faut suivre les indications de la nature. Cette méthode lui fait découvrir que c'est par la sensibilité que les femmes améliorent les hommes et leur donnent le bonheur. C'est donc la sensibilité qu'il faut développer et diriger en elles, par une instruction qui éclaire leur jugement. Développer la sensibilité, c'est-à-dire le foyer le plus ardent et le plus dangereux qui soit dans le cœur de la femme. En vain, Mademoiselle Philippon prétend-elle régler la marche du feu? Oui, avant l'incendie, on peut et on doit diriger la flamme. Mais quand tout brûle, est-ce possible? Allumer l'incendie et se croire la faculté de se rendre maître du feu? Quelle utopie! Telle est l'éducation par laquelle l'élève de Rousseau prépare l'épouse et la mère éducatrice. Tout ici, même l'exercice de la réflexion, doit concourir à rendre la femme plus aimante et plus aimable. N'est-ce pas encore, avec une plus généreuse inspiration, le système de Rousseau, l'art de plaire? Aussi bien que Mademoiselle Philippon accorde à l'instruction des femmes une place que Émile ne lui avait pas attribuée, ses conclusions ne s'écartent guère de celles de son maître. Non plus que Rousseau d'ailleurs, elle ne sait leur donner une valeur pratique. Elle avoue elle-même à la fin de son discours qu'elle est plus prompte à saisir les principes, qu'elle n'est habile à détailler les préceptes. M. Faugère a fait rechercher le manuscrit du discours de Mme Roland dans les archives de l'Académie de Besançon. Il a publié ce travail inédit dans son édition des mémoires de Mme Roland, en 1864. Ce n'est pas dans la prédominance absolue de la sensibilité, c'est dans l'harmonie du cœur et de la raison qu'est le secret de la véritable éducation, mais il n'appartient pas à la philosophie naturelle de livrer ce secret. Tandis que les philosophes dissertaient sur l'éducation, tandis que des mères mondaines s'essayaient à appliquer les théories de Rousseau, quelques familles, bien rares il est vrai, continuaient de chercher les traditions éducatrices à leur véritable source, le christianisme. J'aime à remarquer cette tradition dans la postérité du chancelier d'Aguesseau. Un esprit supérieur avait toujours distingué les femmes de cette famille. La femme et la sœur du chancelier nous apparaîtront plus tard. Sa fille aînée, la future comtesse de Chastellux, reçut chez les dames de Sainte-Marie, de la rue Saint-Jacques, une solide instruction. Rentrée dans sa famille, elle se livra d'elle-même à de fortes études. Son père l'y encourageait. « J'espère, lui écrivait-il, que vous humilierez par vos réponses la vanité de vos frères, qui croient être d'habiles gens, et que vous leur ferez voir que la science peut être le partage des filles comme des hommes. » Ce serait là un avis un peu téméraire, s'il le trouvait son correctif dans cette autre phrase. « Ce que je trouve de beau en vous, ma chère fille, c'est que vous ne dédaignez pas de descendre du haut de votre érudition pour vous abaisser à faire tourner un rouet. » Plus tard, le chancelier s'intéressait à la prédilection que sa petite fille, Mademoiselle Henriette de Fresnes, avait pour l'histoire ancienne, et particulièrement pour ce qui concernait l'Égypte. Il se plaisait au style de cette jeune personne, mais il la félicitait aussi de garder le goût des occupations ménagères. « Je suis ravi de voir que vous savez pâtisser aussi bien qu'écrire, et que vous cherchez de bonne heure à imiter les mœurs des femmes et des filles des patriarches. Vous me permettrez cependant de préférer toujours les ouvrages de votre esprit à ceux de vos doigts. » Mademoiselle Henriette de Fresnes, qui devint la duchesse d'Ayen, trouvait donc dans les traditions de sa famille une plus sûre méthode d'éducation que celle de l'Émile. Elle l'applique avec la sollicitude maternelle la plus éclairée. En élevant ses 5 filles, la duchesse fortifie leur jugement, fait planer leurs âmes au-dessus des intérêts terrestres, et leur apprend qu'il faut tout sacrifier à la vertu. Elle lit avec ses filles les pages les plus éloquentes des anciens et des modernes, ainsi que les plus belles œuvres de la poésie. Elle forme elle-même ces admirables mères qui, à travers la tourmente de la Révolution, gardent ses enseignements pour les transmettre à notre siècle. Madame de Lafayette, Madame de Montagu. Madame de Montagu qui disait à ses filles que la vérité ne nous est pas donnée seulement pour orner notre esprit, mais pour être pratiquée. Du XVIe au XVIIIe siècle, quelle jeune fille produira d'une part l'éducation mondaine, de l'autre l'éducation domestique? Belle définition qui résume tout ce que la vieille éducation française nous a donné de meilleur. Au XVIe siècle, la première de ces éducations nous offre, dans son expression typique, la fille d'honneur attachée à une reine ou à une princesse. Elle figure dans les ballets, elle assiste aux tournois, ou bien à cheval, la plume au vent, elle escorte avec ses compagnes la litière d'une royale voyageuse. Elle porte gaiement la vie, la mort même, et vaillante, elle fait de sa tendresse le prix de sa valeur guerrière. Mais dans l'escadron volant de Catherine de Médicis, elle met à moins haut prix son amour et sert l'astucieuse politique de la reine pour séduire les hommes qu'il faut gagner. La légèreté des filles d'honneur pouvait aller jusqu'à la plus effroyable immoralité. Brantôme nous en donne des preuves suffisantes. Ne nous montre-t-il pas de ces jeunes filles buvant dans une coupe où un prince a fait graver les scènes les plus immorales? Si quelques-unes de ces jeunes filles détournent les yeux, d'autres regardent effrontément, échangent tout d'ignobles réflexions, et osent même étudier les infâmes leçons qui leur sont présentées. Sous Louis XIV, la dépravation, pour être moins éhontée, n'en existe pas moins parmi les filles d'honneur. Elles sont exposées ou s'exposent elles-mêmes aux hommages outrageants. La maréchale de Navailles est obligée de faire murer l'escalier qui mène le jeune roi chez les filles d'honneur. Mais dans les familles demeurées patriarcales, d'autres habitudes préparent dans la jeune fille la gardienne du foyer. Au sein de l'austère retraite où la protège l'honneur domestique, elle verra dans la vie non cette fête perpétuelle que rêvent les filles de la cour, mais une rude épreuve à laquelle elle doit préparer son âme. Dans les familles même, qui ne prennent de la cour que l'élégance et qui en repoussent la corruption, la jeune fille conserve cette grâce suave et chaste, cette dignité et cette simplicité, cette douceur et cette force morale que lui avait donné le Moyen-Âge. Il s'y joint même quelque chose de plus dans ce milieu d'une distinction souveraine. Quant aux attraits de la Vierge chrétienne, venaient s'unir les dons exquis de l'intelligence, le charme des nobles manières et du gracieux parler, on avait dans son expression la plus accomplie, le type de la jeune fille française. Au XVIe siècle et au commencement du XVIIe, les luttes du temps font souvent prédominer, chez la jeune fille, la force sur la douceur. Corneille dut peindre d'après nature ses adorables furies, qui, tout entières à la vengeance d'un père, immolent à cette vengeance leurs plus tendres sentiments, et sacrifient à un faux point d'honneur les lois de la miséricorde, celles de la justice même. Mais à côté de ces natures ardentes, le doux type de la jeune fille subsiste toujours, et des temps plus calmes permettront de le voir plus souvent dans sa paisible sérénité. Racine l'avait sous les yeux en dessinant Iphigénie. Molière le respecta généralement dans ses comédies. Nobles ou bourgeoises, la plupart de ces jeunes filles, gracieuses et modestes comme Iphigénie, ont comme celle-ci la tendresse filiale, le respect de la volonté paternelle, la force des généreuses renonciations. Sans doute le poète comique ne leur demande pas d'immoler leur vie, ce n'était pas son rôle, mais elles savent sacrifier leurs sentiments les plus chers au souvenir d'un père, au repos d'un fiancé. Nous retrouverons encore cette touchante figure de la jeune fille française dans la société artificielle du XVIIIe siècle, cette société tour à tour, et même à la fois sentimentale et spirituellement légère, et Bernardin de Saint-Pierre immortalisera dans sa Virginie ce type de la tendresse, du dévouement et de la céleste pureté qui, devant une mort soudaine et terrible, fait refuser à la jeune fille le salut qui l'alarme dans les plus intimes délicatesses de sa pudeur. Et si nous passons dans la vie réelle, que de ravissantes figures depuis ces jeunes filles du XVIe siècle, qui allient les plus humbles devoirs domestiques au culte des lettres, jusqu'à ces nobles créatures du XVIIe et du XVIIIe siècle, Louise de Lafayette, Marthe du Vigan, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, ange de la terre qui s'envole vers les saintes régions du cloître, sans que leurs blanches ailes aient reçu la moindre poussière terrestre. Et au milieu de la tourmente révolutionnaire, que de touchantes physionomies encore, depuis ces deux jeunes captives, dont André Chénier recueillit, dans sa poésie enchanteresse, les mélancoliques regrets et les invincibles espoirs. Bien que l'héroïne de ce poème, Mademoiselle de Coigny, n'ait pas gardé dans la suite de sa vie le charme que nous a révélé André Chénier, elle est toujours restée, comme l'a dit M. Caro, la jeune fille immortalisée par le poète, la jeune captive. Jusqu'à Madame Élisabeth de France et ses glorieuses émules, qui, devant l'échafaud, immolent avec un sublime courage ses mêmes regrets, ses mêmes espoirs, éprouvent que le pays de Jeanne d'Arc n'a pas cessé d'enfanter des vierges martyrs. Sans doute, comme nous l'avons remarqué, les tendresses du foyer seront souvent comprimées pour la jeune fille. Mais ces tendresses déborderont plus d'une fois. On verra des Antigones soutenir leurs parents infirmes. L'amour filial, l'amour fraternel auront leurs héroïnes, comme la généreuse sœur de François Ier captif, comme la duchesse de Sully pendant la Fronde, Mademoiselle de Sombreuil et Mademoiselle Cazotte pendant la Révolution. Madame de Miramion, qui n'avait que 9 ans lorsqu'elle perdit sa mère, en devint malade de chagrin. Et toute sa vie, sa figure, de même que son esprit, garda la mélancolique impression de ce souvenir. Dès le jeune âge où elle fut privée de sa mère, elle devait regretter de ne l'avoir pas assez aimée. « En aimant ma mère, j'ai appris à aimer la vertu, » dira dans une maladie mortelle Madame de Rastignac, fille de la duchesse de Doudoville. « J'ai toujours cru entendre la voix de Dieu quand elle me parlait, et en lui obéissant, c'est sa volonté que j'ai cru faire. » Les terreurs de la mort agitent la jeune femme. « Restez avec moi, » dit-elle à l'admirable mère, qui a inspiré un tel éloge. « Restez avec moi, près de vous, je n'ai jamais rien redouté. » Comme l'enfant bercé par sa mère, la malade s'endormait, en sentant veiller sur elle cette tendre sollicitude. Mais la mort est là, et va saisir sa proie. Je remercie Dieu en mourant de n'avoir pas eu dans le cours de ma vie une seule pensée que je ne vous ai fait connaître, dit Madame de Rastignac à sa mère. Elle va recevoir les sacrements. Ce sera pour ce soir, dit-elle au saint prêtre qui l'assiste. Je désire épargner ce spectacle à la sensibilité de mes parents, mais j'ai prié ma mère de s'y trouver. Il lui en coûterait trop de s'éloigner. D'ailleurs, j'ai besoin de sa présence. Elle est mon ange, elle est ma vie. Je croirais n'avoir rien fait de bien sans elle. Je dois à ses soins la prolongation de mes jours et mon salut à ses vertus. » Au premier temps de sa maladie, elle avait pressenti sa fin prochaine. Jeune, charmante, adorée, elle disait « Je suis résignée à tout ce que Dieu voudra, mais je conviens qu'il m'en coûterait de quitter la vie. » « Cela est simple, lui répondit-on, à 21 ans avec tous les avantages qui assurent le bonheur. » « Non, reprit-elle en riant, ce ne sont pas là des biens. Vous ne m'entendez pas, mais vous êtes épouse et mère. Ah, je le sens plus vivement que jamais. Et je suis fille. » Ce fut un déchirant accent que la maladie prononça. Ces paroles qui révélaient que, pour cette angélique créature, l'amour filial avait été le sentiment dominant de sa vie. Toutefois, le sévère principe romain de l'autorité paternelle l'emportait généralement sur l'amour dans les foyers de la vieille France. La tâche de la jeune fille était particulièrement lourde dans les familles nobles réduites à la pauvreté. Les filles du logis tenaient souvent lieu de servantes. À la ville, elles font le marché. Elles travaillent dans un grenier. À la campagne, elles respirent du moins le grand air des champs. Mais elles joignent aux travaux du ménage les occupations de la vie rurale. Il en est qui ont à surveiller quelques dindons, quelques poules, une vache, encore trop heureuse d'avoir à en garder, dit Madame de Maintenon, qui, elle aussi, des sabots aux pieds, une gaule à la main, avait gardé les dindons d'une tante riche, cependant mais avare. Une lettre écrite en 1671, et qui nous fait pénétrer dans une gentilhommière normande, nous initie à la rude existence que menaient les filles de la maison. Nous avons été les mieux reçues du monde, tant de monsieur mon oncle que de madame ma tante, et de tous mes cousins et cousines. Ils sont au nombre de 9. L'aîné est un garçon. Après suivent 4 filles. L'aîné, susnommée Nanette, 17 à 18 ans, de taille dégagée, assez grande, passablement belle, fort adroite. Elle fait avec sa cadette suivante tout l'ouvrage de la maison. Encore dirige-t-elle le manoir, de la Frottelaille à 2 lieues de là. Cette cadette, Manon, âgée de 15 ans, trop grosse pour sa taille, est belle et à bonne grâce, mais gagnerait à ne pas être tant exposée au soleil, en faisant tout le ménage de la maison. La troisième, Margot, n'est ni belle ni bonne, 13 à 14 ans. La quatrième, Catos, 10 ans, assez bonne petite fille, presque sourde, a des yeux de cochon, un nez fort camard, un teint tout taché de brandes de Judas. Suivent deux frères, Jean-Baptiste, âgé de 8 ans, gros garçon, qui aura quelques jours bonne mine, et promet quelque chose. François, âgé de 7 ans, promettant moins, et méchant comme un petit démon, sec comme un hareng saurait. Vient après eux une fille de 5 ans, nommée Madelon, qui ne sait pas que nous soyons partis, car elle en mourrait de déplaisir. Le dernier, Pierrot, petit démon, a 2 ans et 7 mois, tête encore, et donne à sa mère, lui seul, plus de peine que tous les autres. Pour leurs habits, ils sont assez propres et honnêtes, suivant que l'on se vêtit dans le pays. Les deux filles ont des robes d'estamine, de lude, avec des jupes de serge de Londres, fort propres. Au milieu de cette nombreuse famille, de ces enfants volontaires, on se représente ce qu'était l'existence des jeunes ménagères. La vie active qu'elles menaient nous semble au demeurant plus heureuse que la vie comprimée, qui était le partage des jeunes filles riches. Sous l'humble toit paternel, la fille du gentilhomme pauvre était protégée par ses fermes principes, qui, dans leur rigueur même, sauvegardaient sa dignité. Mais que de déception, que d'amère tristesse pour la jeune fille qui, élevée dans un milieu aristocratique, tombait dans la misère, sans être entourée d'une famille. Est-il rien de plus navrant que la détresse de Mademoiselle de Launay? Cette pauvre fille, qui, réduite à la domesticité, subit les humiliations de son nouvel état devant les hommes mêmes, qui l'ont entourée d'hommages, et essuie jusqu'aux insultants mépris des autres caméristes, qui n'ont ni son instruction ni ses talents, et qui se vengent de cette infériorité en se moquant de son inaptitude à leur métier. Et que dire des malheureuses enfants qui, bien plus à plaindre encore que Mademoiselle de Launay, sont livrés par un père ou par une mère qui exploitent leur honneur? Quant aux filles de familles riches, quel sort les attendait? Bien qu'au XVIe siècle le droit romain ait triomphé du droit germain, le droit d'aînesse échappe à cette influence, et généralement aussi les filles sont, comme les cadets, sacrifiées à l'aîné de leurs frères, et ne reçoivent qu'une dot. J'ai longuement étudié la situation de la femme devant le droit romain et le droit germain dans mon ouvrage « La femme française au Moyen-Âge », actuellement sous presse. Néanmoins, cette dot paraît encore trop lourde à bien des familles, qui se débarrasseront de cette charge au moyen du couvent. C'est avec une généreuse indignation que Bourdaloue flétrira le crime de ses parents, qui, forçant l'évocation, ose jeter à Dieu des cœurs qu'il n'a pas lui-même appelés. L'établissement de cette fille coûterait. Sans autre motif, c'est assez pour la dévouer à la religion. Mais elle n'est pas appelée à ce genre de vie. Il faut bien qu'elle le soit, puisqu'il n'y a point d'autre parti à prendre pour elle. Mais Dieu ne la veut pas dans cet état. Il faut supposer qu'il l'y veut, et faire comme s'il l'y voulait. Mais elle n'a nulle marque de vocation. C'en est une assez grande que la conjoncture présente des affaires et la nécessité. Mais elle avoue elle-même qu'elle n'a pas cette grâce d'attrait. Cette grâce lui viendra avec le temps, et lorsqu'elle sera dans un lieu propre à la recevoir. Cependant, on conduit cette victime dans le temple, les pieds et les mains liés, je veux dire dans la disposition d'une volonté contrainte, la bouche muette par la crainte et le respect d'un père qu'elle a toujours honoré, au milieu d'une cérémonie brillante pour les spectateurs qui y assistent, mais funèbre pour la personne qui en est le sujet. On la présente au prêtre et l'on en fait un sacrifice qui, bien loin de glorifier Dieu et de lui plaire, devient exécrable à ses yeux et provoque sa vengeance. Ah, chrétien, quelle abomination! Et faut-il s'étonner, après cela, si des familles entières sont frappées de la malédiction divine? Non, non, disait Salvien, par une sainte ironie, nous ne sommes plus au temps d'Abraham, où les sacrifices des enfants par les pères étaient rares. Rien maintenant de plus commun que les imitateurs de ce grand patriarche. On le surpasse même tous les jours. car au lieu d'attendre comme lui l'ordre du ciel, on le prévient. Mais bientôt corrigeant sa pensée, « Je me trompe, mes frères, » reprenait-il, « ces pères meurtriers ne sont rien moins que les imitateurs d'Abraham. » Car ce saint homme voulut sacrifier son fils à Dieu. Mais ils ne sacrifient leurs enfants qu'à leur propre fortune et qu'à leur avare cupidité. La Bruyère n'est pas moins énergique. Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se rend à la vocation de sa fille, mais qui la fait religieuse, se charge d'une âme avec la sienne, en répond à Dieu même, en est la caution. Afin qu'une telle mère ne se perde pas, il faut que sa fille se sauve. La Bruyère, 14e, de quelques passages, dans l'alinéa suivant, le moraliste parle d'une jeune fille que son père, joueur ruiné, fait religieuse et qui n'a d'autre vocation que le jeu de son père. Madame de Maintenon et la duchesse de Liancourt s'élèvent aussi contre les vocations forcées. Madame de Maintenon, lettre et entretien 60, instruction aux demoiselles de la classe bleue, janvier 1695. La duchesse de Liancourt, règlement donné par une dame de haute qualité. Sa petite fille pour sa conduite et celle de sa maison, avec un mitre règlement que cette dame avait dressé pour elle-même. Si les parents ne mettent pas leurs filles au couvent, ils pourront les empêcher de se marier, dussent-ils, comme le fit le duc de la Rochefoucauld, les laisser végéter dans un coin séparé de la demeure paternelle, et réduire même l'une d'elles à épouser secrètement un ancien domestique de la maison, devenu un courtisan célèbre. Ces abus n'existaient pas dans les familles où régnait l'esprit chrétien. Mère de 9 filles, la maréchale de Noailles née, voulut forcer la vocation d'aucune d'elles. Une seule reçut l'appel divin et y répondit. Dans ces pieuses familles, les filles sont dotées par leur père, soit de son vivant, soit par disposition testamentaire. On en voit même qui, conformément au droit romain, reçoivent du testament paternel une part égale à celle de leurs frères. Tel exemple nous est offert dans la famille des Godefroy. Nous voyons aussi dans cette famille une fille tendrement dévouée à ses parents, et qui reçoit de sa mère, en avancement, doirie, de rente au capital de 10 400 livres. Son père lui avait déjà légué hors part divers domaines, et cependant elle avait des frères. À la mort du père, le fils aîné devient chef de la famille. Plus d'un se souvient que le testament de son père a légué ses sœurs à sa tendresse. Plus d'un aussi, sans doute, selon la touchante pensée de Madame du Plessis-Mornay, témoignera à ses sœurs par son amour fraternel, l'amour filial que lui inspirait une mère regrettée. Chef de la maison, le frère aîné dote sa sœur. Dans une famille pauvre, des frères se cotisent pour remplir ce devoir. Par testament, le frère relègue à la sœur des rentes viagères ou autres. La fille n'a-t-elle pas de frère et le père a-t-il désigné dans sa famille un héritier? Elle épouse celui-ci, fût-ce un oncle âgé. Si le droit d'aînesse a échappé à l'influence du droit romain, ce dernier domine dans la condition de la femme, surtout au XVIe siècle. À cette époque, le Sénatus, consulte véléien, qui défend à la femme de s'engager pour autrui, règne aussi bien dans les pays de droit coutumier que dans les pays de droit écrit. L'ordonnance de 1606 l'abrogera implicitement, mais cette ordonnance ne sera, pour ainsi dire, appliquée que dans les provinces du centre. Louis XIV en étendra l'application sans toutefois la rendre générale. Les pactes nuptiaux subissent aussi l'influence romaine, tout en gardant le principe germain de la communauté. Suivant que les pays sont de droit coutumier ou de droit écrit, ce régime prévaut dans les premiers et le régime dotal dans les seconds. Un jurisconsulte a établi en France 4 espèces de pays sous le rapport de la communauté. Premièrement, les pays de droit coutumier, principalement ceux qui régissaient la coutume de Paris ou d'Orléans. Là, la communauté était le droit commun, à défaut de stipulations contraires. Deuxièmement, d'autres pays coutumiers, tels que ceux de Bretagne, d'Anjou, du Maine, de Chartres et du Perche. Là, la communauté ne formait le droit commun que si le mariage avait duré an et jour. Troisièmement, les pays de droit écrit. Là, la communauté n'avait lieu qu'en cas de stipulation expresse. Le régime dotal était le droit commun. Quatrièmement, le pays de Normandie, où il n'était pas même permis de stipuler le régime de la communauté. Article 330-389 de la coutume. Armand Dalloz, jeune, dictionnaire général et raisonné de la législation et de jurisprudence. Nous voyons dans certains contrats la dotalité romaine se mêler à la communauté coutumière. Mais c'est la loi romaine qui l'emporte quand elle défend aux époux, après leur mariage, les dons, les avantages, les contrats mutuels. Comme le remarque M. Gide, l'autorité maritale s'affaiblit par les restrictions que subit le régime de la communauté. Cependant, les romanistes d'alors ont une si faible idée de la capacité féminine qu'ils s'accommodent d'un élément germain, le pouvoir marital, pour en faire une sorte de tutelle à la romaine. L'épouse devient une pupille, non plus comme dans la communauté coutumière, à cause de sa faiblesse physique, mais à cause de l'infériorité morale que lui attribue l'esprit romain. Cette tutelle est pour la femme, aux yeux des romanistes, un droit et un bénéfice.